Bonjour cher Xavier, bonjour à tous. Après 3 jours de navigation en eau trouble aux côtés d'Ulysse, ce matin, on arrive enfin à Ithaque. Ithaque, la terre natale d'Ulysse, après 10 ans de guerre et 10 ans de voyage. Mais comme souvent, le retour à la maison ne va pas se passer comme prévu. Sur le vaisseau rapide, l'emportant vers Ithaque, Ulysse est endormi. Un merveilleux sommeil d'une infinie douceur. Sur la plaine marine mystérieusement calme, le navire vole. Et cependant, au bout du grand abîme, au fond du havre de Phorkys, le vaisseau promptement s'échoue. Ulysse est déposé, endormi sur le sable, ses cadeaux près de lui. Et c'est ainsi qu'Ulysse, en Ithaque revenu, a sous ses reins enfin le sol de sa patrie. Ulysse revient, Ulysse revient. Bonjour Pierre Pellegrin. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes venu à plusieurs reprises parler d'Aristote à ce micro et aujourd'hui c'est d'Homère et d'Ulysse que vous allez nous parler. Vous avez même présenté une audition de l'Odyssée aux éditions Flammarion. C'est un amour secret ou officiel ? Ah oui, mais l'Odyssée est une des deux bibles de notre civilisation, n'est-ce pas ? Et j'ai toujours été fasciné par l'Odyssée et j'ai demandé à faire cette préface effectivement en GF. Voilà. Et vous aimez autant parler de l'Odyssée que d'Aristote ? Oui, c'est pas la même chose, évidemment. Encore que j'ai lu l'Odyssée à travers Aristote, comme vous verrez. Bon, et bien justement, vous allez nous dire, puisque aujourd'hui c'est le dernier jour de notre série d'émissions sur l'Odyssée, Ulysse va enfin poser pied à Ithaque, la terre natale qu'il a quittée depuis 20 ans. Il en rêve depuis tout ce temps. Et le retour va se passer de manière un peu différente. Il ne sait pas du tout ce qui se passe quand il arrive. À quoi ressemble Ithaque quand Ulysse arrive, Pierre Pellegrin ? Eh bien oui, Ithaque a beaucoup changé. C'est-à-dire que la fonction royale s'est délitée. Il est quand même parti depuis 20 ans. Et il va aborder dans une... on dit une île, mais en fait c'est un ensemble d'îles. Hein, en proie à une lutte pour le pouvoir. Ce qui ne devrait pas avoir lieu s'il était resté comme roi absolu. Hein. Donc il trouve une Ithaque très différente. Il a abordé des problèmes... qu'il a anticipé, mais pas tous, et pas sous la forme où il se présente. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, eh bien ça se passe pas. De toute façon, après 20 ans, comment est-ce que ça aurait pu se passer comme prévu ? C'est pas possible. 20 ans, c'est beaucoup. Est-ce que pour vous, le retour à Ithaque, c'est un retour à la normalité ? Oui. Si vous voulez, pour remettre les choses en place rapidement, hein, les événements, il faut se souvenir de plusieurs petites choses. Que les événements rapportés dans l'Odyssée se déroulent en 41 jours. C'est tout. C'est-à-dire, depuis le début des aventures de Télémaque, les 4 premiers livres, le départ du dé de chez Calypso, son arrivée jusqu'à Ithaque en passant par chez les Phéaciens, et enfin, la fin des fins, quand il tue les prétendants et qui reprend le pouvoir, ça dure 41 jours. Donc c'est bref. Alors ce qui est remarquable, c'est pour ça que je veux faire un petit prologue, parce que ce qui est remarquable, c'est que, à part les spécialistes qui ont parlé avant moi, évidemment, la plupart des gens qui ont lu au moins partiellement l'Odyssée ou qui ont vu les films sur Ulysse, etc., pensent que cette Odyssée, c'est le récit des errances d'Ulysse avec ces histoires fantasmagoriques, là, éventuellement avec le massacre des prétendants, mais c'est une erreur. L'Odyssée ne parle pas, le sujet de l'Odyssée, ce n'est pas les aventures d'Ulysse, ce n'est pas les pérégrinations d'Ulysse. Qu'est-ce que c'est alors ? Eh bien, l'Odyssée a un but, un télos. Et ce but, c'est la reprise du pouvoir par Ulysse, qui réinstalle ou qui tente de réinstaller, et qui échoue à réinstaller, on va le voir, sa dynastie, en installant son fils Télémaque au pouvoir. Donc pour vous, c'est d'abord un drame politique, plus qu'un voyage fantastique. Finalement, et à tous les sens de finalement, c'est un drame politique. C'est un poème politique. Donc vous voyez, c'est beau tous ces voyages, chez le Cyclope, les Cicones, les Strigons, etc., les mangeurs de lotus, certes, mais c'est pas ça. Ça, c'est un passage. Alors, une remarque que je voudrais qu'on garde en tête, c'est que tous les épisodes de l'Odyssée relèvent du merveilleux. Mais alors, il y a un très bon livre d'un certain Gabriel Germain, qui s'appelle Genèse de l'Odyssée, qui a été publié en 54, c'est-à-dire c'est vieux. Oui. Et il dit, oui, mais n'empêche que cet homme a bien vu qu'il y avait deux sortes de merveilleux dans l'Odyssée. Il y avait un merveilleux, celui de l'Iliade et les parties de l'Odyssée qui se découvrent à Ithaque. Les dieux sont là, ils sont toujours là, mais ils sont simplement surhumains. C'est pas dans dans l'Iliade, quand un héros lance sa lance contre un ennemi, bon, s'il a Athéna derrière lui, la lance va être lancée mieux, va mieux atteindre. Mais si vous voulez, si les dieux interviennent dans les combats, c'est simplement, comment je pourrais dire, comme intensificateurs, si vous voulez. De même, dans les chants 1 à 8 de l'Odyssée, qui raconte, ouais, jeter les mains, qu'il y a toujours des dieux. De toute façon, les dieux sont partout. Hein. Il y a toujours des dieux qui regardent, qui interviennent, etc. Mais après tout, ça ne met pas en cause le déroulé des événements normaux. Par contre, dans le monde merveilleux des voyages d'Ulysse, là, quand il rencontre tous ces monstres, les sirènes et tout ça, on a affaire à un merveilleux complètement débridé. On pourrait dire un hyper merveilleux, si vous voulez. Hein. Là, les lois et les repères de la vie normale sont complètement, subvertis, oui. Hein. Et Jean Giono, qui dans sa naissance de l'Odyssée, qui est un livre merveilleux, lui, prend pleinement cela en compte, puisque, comme vous le savez, il soutient que le récit d'Ulysse est une pure affabulation. La question se pose, ben et oui. Si tout ça n'était qu'un vaste mensonge? Un vaste mensonge, oui, bien sûr. Alors, peut-être pour des raisons profondes ou pour des raisons futiles, peut-être qu'il a envie de faire le malin auprès de Nausicaa, après tout. Et comme il est le seul survivant, qui est-ce qui va le démentir? Alors, en même temps, on en parlait hier avec Suzanne Saïd, Ulysse n'est pas le seul à avoir la parole. C'est Laède aussi qui raconte l'histoire. Donc, on peut dire que les autres personnes qui racontent le récit sont autant de témoignages ou de validations du témoignage d'Ulysse. Oui, mais le seul témoin, c'est lui. Le seul témoin du Cyclope, c'est lui. Le seul témoin de Charybde de Scylla, c'est lui. Donc, il a pu parfaitement inventer tout ça. Et quand bien même? Parce que c'est pas la définition de la littérature. Non seulement c'est la définition de la littérature, mais si on adopte, comme je l'ai fait, une interprétation psychanalytique de ses aventures, je veux dire, c'est ce passage par le merveilleux n'a besoin d'être étayé, et il est encore plus efficace s'il n'est étayé par aucune réalité, finalement. Bon, on commence le voyage? Oui. Alors, je vous propose qu'on laisse la parole à Pénélope, au chant 19, qui va accueillir Ulysse, qui arrive donc à Ithaque, mais déguisé en mendiant crétois, donc il se fait passer pour autre qu'il n'est, et d'ailleurs c'est pas le dernier, ni le premier, ça c'est sûr, ni le dernier de ses déguisements. Et on va entendre ce texte en premier parce que Pénélope propose une espèce de mise en situation, de description de l'Ithaque dans laquelle elle vit depuis toutes ces années, et puis ça nous permettra de dire deux mots de Pénélope qui joue un rôle très important quand même aux côtés d'Ulysse. Oui, bien sûr. C'est au chant 19. Voici le texte lu par Thibaut de Montalembert. Ma valeur, ma beauté, ma stature étranger, les immortels les ont ruinés quand les Argiens partirent pour Troie, emmenant avec eux Ulysse, mon époux. S'ils pouvaient revenir, et s'ils prenaient soin de ma vie, ma gloire n'en serait que plus belle et plus grande. Maintenant je gémis, le ciel m'a frappé trop de fois. Tous les seigneurs qui règnent sur les îles, sur les forêts de Zante, sur Samé, sur Doulichion, et tous ceux qui demeurent en Ithaque la Claire, me recherchent contre mon gré et ruinent ma maison. C'est pourquoi je ne me soucie des hôtes, ni des suppliants, ni des héros qui sont au service du peuple. Mais le regret de mon époux fait se fondre mon cœur. Il presse le mariage, et moi j'ourdis des ruses. Voici ce que le ciel m'inspira tout d'abord. Je fis dresser un vaste métier dans la salle pour tisser un voile ample et fin. Et je leur dis à tous, mes jeunes prétendants, certes, je sais qu'Ulysse est mort. Patientez toutefois pour les noces, jusqu'à ce que j'aie achevé ce voile, que le fil n'en soit perdu. C'est ainsi que mes jours passaient à tisser l'ample voile et mes nuits à défaire cet ouvrage sous les torches. Ainsi, 3 ans durant, je sus duper les Achéens. Mais lorsque vint la 4e année et le printemps, par l'entremise des servantes chiennes sans pitié, ils vinrent me surprendre et m'accablèrent de reproches. Alors, il fallut bien finir, mais par contrainte. Maintenant, je ne puis ni fuir ces noces, ni trouver autre ruse. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons d'Ulysse aujourd'hui dans l'Odyssée, mais aussi de Pénélope. Pénélope qui n'est pas en train de tisser du coton de croix, comme le dit la chanson, ni une tapisserie, comme j'ai dit plus tôt dans la semaine, et vous venez de me faire remarquer, Pierre Pellegrin, vous avez raison, c'était une bêtise. Elle tisse un linceul pour Laerte, qui est le père d'Ulysse, Ulysse qu'elle croit mort. Et dans ce tissage qui est devenu célèbre, réside beaucoup plus qu'un simple travail artisanal qui lui permet de retarder son mariage avec ses prétendants. C'est une métaphore, ce tissage, n'est-ce pas? De quoi est-ce la métaphore, Pierre Pellegrin? C'est difficile à dire, en fait. Tout le monde a une idée là-dessus, sauf moi. C'est sûr que c'est une ruse. C'est sûr que c'est une ruse. Est-ce que c'est vraiment une métaphore? Bon, tout tissage est une métaphore. Je veux dire, le tissage en philosophie, c'est la métaphore chérie, notamment de Platon. Mais je ne sais pas. Je ne saurais pas trop répondre à ça. Ça engage un rapport au temps qui est intéressant. Ce qu'elle fait, ce qu'elle défait, il y a comme une réversibilité de ce qui arrive. Elle fait que le temps s'immobilise pendant 10 ans quand même. Il y a un cyclisme. Mais alors là, c'est pas 10 ans. Ça fait que 4 ans qu'elle est pressée de se marier. Oui, c'est vrai, elle le dit. C'est 4 ans qu'elle est avec cette Russe. Mais c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup quand même. Bon. Pénélope, si vous voulez, on peut en parler maintenant. Bon, elle est justement célèbre et c'est un vrai personnage. Vous voyez, c'est pas un héros schématique comme dans l'Iliade, ces héros qui sont l'incarnation d'une vertu ou d'un trait de caractère, la bravoure, la ruse, etc. Et elle est une femme au cœur d'un système d'échanges matrimoniaux caractéristique de son monde. Hein. Mais elle est parcourue de désirs contradictoires. Vous savez, elle a le devoir de rester fidèle à Ulysse, tant qu'elle n'est pas sûre d'être veuve, mais elle n'est pas la femme vertueuse ensevelie dans son chagrin. Vous savez, la chanson de Brassens, la trompette de la renommée, là. Si je citais des noms, combien de Pénélope passerait-il du coup pour de fées et fées salopes? Non. Vous vous souvenez qu'à un moment, dans le chant 18, je crois, elle se prend à éprouver du désir pour les prétendants. Oui. Et elle dit, alors certes, Athéna la pomponne, lui fait une sorte de chirurgie esthétique pour qu'elle apparaisse, mais n'empêche qu'elle a du désir pour les... Et alors, Jean Giono, encore lui, a été plus catégorique encore, et il a dit que Pénélope était tout simplement la maîtresse d'Alcinoos, le premier des prétendants. Et alors, vous vous souvenez aussi du rêve qu'elle fait des oies égorgées. Il y a des oies, et elle fait un rêve, et elle voit très bien que les oies égorgées, ce sont les prétendants, et que l'aigle qu'il est, Zégorge, c'est son mari. Et alors, elle souhaite que son époux revienne la débarrasser des prétendants, mais elle plaint les oies. Mm-hmm. Elle plaint les oies. C'est-à-dire, ce qu'elle voudrait, c'est que... ménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire les oies et l'aigle. Ah, donc vous pensez que Pénélope ne correspond pas à cette image de femme fidèle, amoureuse d'Ulysse, qui l'attend patiemment, qu'on lui prête? Non, je crois pas. Vous voyez, elle est partagée. Vous voyez, les autres, tous les autres de la maison de Pénélope, ils ne rêvent que de tuer les prétendants. Par exemple, la nourrice Euryclée, la fameuse nourrice Euryclée, là, celle qui a reconnu Ulysse à sa blessure. Une fois que les prétendants ont été massacrés, qu'ils gisent tous avec des flèches dans le corps, elle rentre extrêmement joyeuse voir Pénélope et lui dit « Ah, ils gisaient l'un sur l'autre. Allez voir, tu eusses exulté. » Mais c'est pas sûr. Elle voudrait, finalement, elle est pas insensible au charme de ces jeunes gens qui la courtisent. Bon, évidemment, elle est la femme d'Ulysse, etc. Mais on comprend parce que Ulysse, quant à lui, n'est pas un mari débordant d'amour, hein. Quand il dit, puissais-je à mon retour retrouver mon épouse sans tache et les miens sains et saufs, c'est quand même plus l'honneur du mari que son amour qui parle. Et alors, je disais dans mon introduction qu'il y a des absences qui sont plus éloquentes que des présences. Quand il dit, devant Alcinoos, le roi des Phéaciens, Ulysse s'écrie. Il invoque ses malheurs. Même au prix de bien des souffrances, que je meure, mais en ayant revu mes servantes, mes biens et ma grande et haute maison. Il n'y a pas un mot pour Pénélope, à moins qu'il la compte parmi ses servantes. Ce qui est un vrai, ce qui n'est pas possible. Donc vous défaites une interprétation, disons, romantique de l'Odyssée qui consisterait à dire qu'Ulysse, en fait, n'aime que Pénélope. Ce qui n'est pas complètement faux parce que lorsqu'il est auprès de Calypso, une des raisons qu'il invoque pour son ennui auprès de la magnifique et sublime Calypso qui lui promet l'immortalité, c'est quand même le désir de retrouver Pénélope. Oui. Là, il en a fait mention à ce moment-là. Mais en fait, alors pourquoi Ulysse veut-il rentrer à la maison si ce n'est pour Pénélope? C'est pour sa ville? Pour sa dynastie? Eh bien, il pour dit, son là. Fils que je son honneur. Sans avoir revu mes servantes, mes biens, ma grande et haute maison aussi. Et quand il dit ça à Calypso, c'est destiné à Calypso. Calypso comprendra qu'il veuille aller voir une autre femme. Mais Ulysse n'est pas débordant d'amour, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est la dernière à qui il se dévoile parce qu'il ne fait pas confiance, il a peur qu'elle le trahisse. Non, il y a son père, Laërte, après. Mais elle est pratiquement la dernière. Son fils et lui ont une image très négative de Pénélope. Écoutez Télémaque, « Mère, mauvaise mère, âme de cruauté, que restes-tu si loin du père? Que ne vas-tu t'asseoir auprès de lui, le questionner, l'interroger ?» Et Ulysse, « Malheureuse, c'est toi entre toutes les faibles femmes qui a reçu des dieux le cœur le plus indifférent. » Oui, il est très dur envers Pénélope, mais elle ne le reconnaît pas. Elle a besoin de preuves. Quand il lui dit « Oui, je suis Ulysse », elle ne le croit pas. Elle a besoin de preuves ultimes pour pouvoir le reconnaître. Vraiment, il y a de quoi être un peu... Oui, mais enfin... susceptible après 20 ans. Il a fait tout pour la tromper. Cela dit, Pénélope n'est pas une belle idiote. Hein. Elle est rusée et menteuse. Et par le coup dont on parlait tout à l'heure du tissage des tissages. Alors, je cite 2,90. « Elle dupe le cœur des Achéens dans leur poitrine. Elle enflamme chacun. Elle promet à tous. Elle envoie des messages ayant toute autre chose en tête. » C'est-à-dire, non seulement elle est menteuse, mais elle est allumeuse. Cela dit, elle ne peut pas faire autrement. Elle est en position de faiblesse. Elle séduit pour tromper, c'est ce que vous dites, c'est par ruse. Mais oui. Ulysse en fait autant. Oui, ah ben Ulysse, oui. Et elle est méfiante jusqu'au bout, ainsi le très justement célèbre passage du Lys. Alors on va y venir. Oui, où Pénélope s'assure que l'étranger est bien Ulysse, puisque eux deux seuls connaissent l'histoire du Lys qui a été fait par une souche de figuier, je crois. D'olivier. Alors on va y venir, on va pénétrer dans la chambre à coucher d'Ulysse et de Pénélope, avant d'explorer la dimension plus politique de ce texte sur laquelle vous allez insister, Pierre Pellegrin. Oui. La scène du Lys est remarquable, c'est une de mes scènes préférées de l'Odyssée, je dois dire. Parce que tout se joue autour d'une pièce quotidienne qui est la chambre à coucher et d'un objet absolument ordinaire qui est un lit qu'Ulysse aurait bâti de ses propres mains. Et c'est parce qu'il donne avec détail une description de ce lit que Pénélope va enfin le reconnaître. La scène que vous allez entendre est donc une scène de reconnaissance. Pénélope est la dernière à ne pas le reconnaître et grâce à cet épisode dit du lit, elle va le reconnaître. Voici le texte. Femme, qui donc a déplacé mon lit ? C'eût été malaisé, même au plus habile homme, à moins qu'un dieu vînt à son aide, qui l'eût facilement transporté en un autre lieu. Mais des mortels, aucun, et fût-il vigoureux, n'eût pu le déplacer, car il est un secret dans la structure de ce lit. Je l'ai bâti tout seul. Dans la cour s'élevait un rejet d'olivier feuillu, dru, verdoyant, aussi épais qu'une colonne. Je bâtis notre chambre autour de lui, de pierre dense. Je la couvris d'un bon toit, la fermai d'une porte au venteau bien rejoint. Ensuite, je coupai la couronne de l'olivier, et, en taillant le tronc à la racine, avec le glaive, je le planai savamment et l'écaris au cordeau pour faire un pied de lit. Je le perçai à la tarière. Après cela, pour l'achever, je polis le reste du lit en l'incrustant d'argent, d'ivoire et d'or. Je tendis les sangles de cuir teintes de pourpre. Voilà le secret dont je te parlais. Mais je ne sais si mon lit est encore en place, ô femme, ou si déjà un autre, pour le déplacer, a coupé la racine. À ces mots, ses genoux et son cœur défaillirent. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Tout en pleurs, elle vint à lui et jeta ses bras au cou d'Ulysse. Et si l'Odyssée était le récit non pas d'un voyage d'errance fantastique, non pas tant d'ailleurs d'un combat politique pour rétablir une dynastie et une royauté qui a été mise mal en point au début du récit, mais celui d'un retour à l'ordinaire au fond, puisque c'est autour d'un lit que se joue le vrai retour d'Ulysse, Pierre Pellegrin. Ah mais je suis d'accord. Je veux dire, les deux thèses que je veux soutenir aujourd'hui, qui se complètent d'ailleurs, c'est que comme le dit Pierre Vidal-Naquet, je cite, « Toute l'Odyssée est en un sens, et le récit du retour d'Ulysse à la normalité, de son acceptation délibérée de la condition humaine. » Et ma deuxième thèse qui est liée, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'Odyssée est finalement, et je répète à tous les sens de finalement, un poème politique. Et les aventures extraordinaires ont une fonction de... ont un caractère initiatique de passage pour retrouver le réel. Alors oui, dites-nous, parce que vous parliez de dimension psychanalytique à ce passage, dites-nous en plus. Eh bien, c'est-à-dire que c'est un certain Pierre-Yves Brandt qui a écrit un très bon article que je cite dans mon introduction sur l'Odyssée, qui propose de lire ces étapes à travers une structure opposant séduction et dévoration. Les lotophages, Circé, les sirènes... Calypso et sans doute Nausicaa, ce sont des séducteurs, des séductrices. Séductrice, oui. Et le cyclope, les lestrigons, Scylla, Charybde, éventuellement les sirènes, ce sont des dévoratrices. Bon, il y a des choses qui restent en dehors de cette structure, notamment le voyage dans l'Hadès, et puis l'île d'Éole, les bœufs du soleil, etc. Mais, en fait, nous voyons donc Ulysse, c'est pour ça que c'est un caractère initiatique, surmonter les deux grands obstacles que les enfants rencontrent sur le chemin de leur accession au triste âge adulte, n'est-ce pas ? La peur d'être dévoré. Souvenez-vous les ogres dont ils redemandent sans cesse avec excitation le récit. Et la tentation de se détourner du monde et en s'enfermant dans une monade narcissique, ça me fait un peu penser à, vous savez, la monade du discours d'Aristophane dans le banquet de Platon. Ouais. Ces gens sont complètement asociaux parce qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Oui. Vous voyez, si c'est un caractère initiatique, comme je le crois, et interprétable psychanalytiquement, eh bien, il faut que l'initiation se finisse par un retour dans le réel. Mais je veux encore une fois insister lourdement sur ce fait. Considérer le noyau hyper merveilleux des aventures d'Ulysse comme l'essentiel de l'Odyssée, c'est une erreur. L'Odyssée a un but, c'est même pas le massacre des prétendants, mais la restauration du pouvoir d'Ulysse. Alors, on pourrait penser qu'avec le massacre des prétendants, le cycle homérique, comment je pourrais dire, ça se mord la queue, si vous voulez, hein, puisqu'on a l'impression d'être retourné à l'Iliade. Rappelez-vous, ce que j'aime bien, c'est la précision anatomique, n'est-ce pas, quand on tue les gens. C'est un texte très violent, il faut quand même le dire, si vous voulez, vous avez hâte d'arriver au massacre de prétendants, on peut y aller, parce que on assiste là, en tant que lecteur, à la description d'une scène d'une violence ahurissante qui ferait pâlir les fans les plus inconditionnels des bains de sang de Tarantino, par exemple. Oui. On est vraiment dans ce type de scène. Oui, mais enfin, dans l'Iliade aussi, il y a ça. Oui. L'Iliade aussi. Ce qui est important de signaler, c'est que ça existe depuis le début même de l'idée même de fiction, en fait. C'est qu'il y a quelque chose là, alors qu'aujourd'hui, la moindre scène de violence ou de vengeance est beaucoup critiquée. Ici, Homère ne nous épargne pas. Ah non, non, non. Ça. Vous voyez, Eurymaque, qui est le deuxième prétendant, je crois que c'est celui que Pénélope préférait, Eurymaque, en fait. Elle a un faible pour Eurymaque. Bon. Ulysse le tue. D'abord, il essaye d'y échapper en disant, mais moi, je suis pour rien, je voulais pas le pouvoir, etc. C'est le mauvais, c'est l'autre. Bon. Ulysse lui envoie une flèche, le perce sous le sein, touche son foie, Eurymaque heurte la terre du front, et des deux pieds ensemble culbuta un fauteuil. Sur ses yeux tombèrent les ténèbres. Donc, on a l'impression d'être revenu à l'Iliade. Mais non, en fait, non. Le dernier combat d'Ulysse, qu'il oppose au prétendant, n'appartient pas au cycle héroïque. C'est même pas un exploit. Il s'agit, en fait, évidemment, c'est une entreprise qui demande de la détermination, du courage. Mais voyez, les hyperboles qui caractérisent les combats de l'Iliade sont absentes. Il y a la cruauté, comme vous l'avez dit, l'hyperbole, la cruauté, mais Ulysse n'apparaît pas comme un surhomme. Hein. Et entre nous, ce massacre de gens désarmés qui sont dans un banquet, et puis avec son cortège de cruauté et de torture, souvenez-vous ce pauvre vieux Mélanté qu'on garde pour le torturer plus tard, pour le châtrer, l'histoire des servantes infidèles, alors même que Ulysse et Télémaque ont reconnu qu'elles avaient été violées. Oui, une fois que les prétendants aient été massacrés, se pose la question du sort des servantes, parce que Ulysse interroge Pénélope et d'autres pour savoir comment se sont comportées les servantes. Il demande à sa nourrice Euryclée d'interroger les servantes. Enfin, il demande à Euryclée comment les servantes se sont comportées en son absence, et comme elles ont consommé physiquement, celles qui ont consommé, qui ont couché avec les prétendants, se font tuer. Et c'est à Télémaque que revient la décision même du type de meurtre qu'il va accomplir pour les tuer. C'est-à-dire Ulysse pense qu'on peut les passer au fil de l'épée. Mais Télémaque trouve que c'est pas assez infamant comme mort. Donc on les pend, puis elles ont les pieds qui ballottent un moment dans le vide. C'est affreux. Bon, elles ont été violées. Alors certes, elles y ont pris goût, puisqu'on les voit rire en sortant de la chambre. Mais bon. Voyez, mais là, on peut pas s'interroger sur la dimension, l'intention morale ici. Non, dans ce non, texte. Non. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce massacre des prétendants, avec tout, ça fait un peu minable par rapport au combat des héros de l'Iliade, quoi. Oui. Alors, dans ce massacre, je disais tout à l'heure, et je continue à le penser, évidemment, j'ai pas changé d'avis en 3 minutes, qu'il s'agit pas d'un exploit, mais d'un acte guerrier, ça c'est très important, rationnellement conçu. Et 2 ou 3 traits sont révélateurs. Écoutez, Ulysse prend soin de priver les prétendant d'armes. Vous voyez pas dans un combat Achille aller priver Hector d'armes, il veut un combat régulier. Mais parce que là, c'est pas de son honneur qu'il s'agit, en réalité. Il veut vaincre, tout simplement, quel que soit le prix. Non, mais c'est rationnel, c'est pas du tout héroïque, c'est rationnel. Oui. Deuxièmement, Ulysse et Télémaque gardent le massacre secret, parce qu'ils ont peur d'avoir des histoires. Bon. Quand par la faute de la... Ah oui, c'est remarquable ça. Quand par la faute de la négligence de Télémaque, les prétendants arrivent finalement à avoir quelques armes. Eh bien, je cite, 22, 147, « Ulysse sentit alors fléchir ses genoux et son cœur. Est-ce qu'on imagine un autre héros de l'Iliade avoir peur ?» Non. Vous voyez, c'est une guerre rationnelle. On a quitté le cycle héroïque. Donc, malgré Athéna qui rôde dans les parages, après la geste héroïque des combattants de la guerre de Troie, après le passage initiatique hors de l'univers humain dans l'hyper, ce que je vais appeler l'hyper merveilleux, Ulysse retrouve la normalité. Mais alors, cette normalité n'en est pas moins exceptionnelle. Pourquoi ? Parce que Ulysse est roi. Et donc, cette condition royale lui dicte de, ou lui impose, comme vous voulez, plusieurs choses pour rentrer dans sa normalité. Il doit récupérer son palais, il doit récupérer sa femme, il doit récupérer les gens de sa maisonnée en épurant les traîtres ou les traîtresses, et il doit assurer la succession dynastique, légitime, en mettant Télémaque comme son héritier. Et pour cela, il doit massacrer les prétendants qui occupent son palais, qui courtisent sa femme, qui dilapident son bien, et surtout qui veulent tuer Télémaque. Alors, on cite souvent le propos d'Ulysse, vous savez, dans l'Iliade, livre 2, je me souviens plus quel vers, où il dit « Il n'est pas bon que plusieurs gouvernent et il faut un seul gouvernant, un seul roi. » Donc, pour faire de lui un partisan d'une monarchie absolue, et non pas d'une aristocratie où le roi serait qu'un primus inter pares. En fait, il faut dire que à ce moment de l'Iliade, Ulysse se heurte au problème politique principal des Grecs archaïques et classiques, à savoir leur impossibilité à s'unir pour faire face à des ennemis étrangers. Alors, on va y venir, Pierre Pellegrin. Oui. Vous allez nous exposer votre interprétation politique de cette fin de l'Odyssée. Écoutons un extrait, justement, ce qu'il se passe à la fin du texte, pour mieux comprendre ensuite votre interprétation. Oui. Aux armes ! J'arrive ! Ils sont là ! Mes enfants, c'est l'heure ! Télémaque, souviens-toi, tes aïeux te regardent. Ne crains pas que j'entache le renom de ta race. Par Zeus, on verra bien qui vaincra. Hé, hey, il en veut, le vieux. Ah oui, il en veut. Et moi aussi, vain Dieu. Et fils, que le premier mort soit pour moi. Chant d'Ithaque. Les assassins de nos fils vont mourir. Une flèche d'Ulysse a tué le mien. Antinous. Le premier, oui, selon son mérite. Tu tomberas sous mes coups, fils de Laërte. Par Athéna, tu meurs, Eupitès. Télémaque, avec moi, allons le premier rang, en avant. Arrêtez. La terreur fait tomber les armes de leurs mains. Et ils marchent dessus en regardant le ciel. Ils sont décomposés, verts de peur et tremblants. Vous êtes venu chercher la mort ? Non, pitié, grâce, pardon, pitié. Retournez vite dans vos maisons, si vous tenez à vivre. Ulysse, dans un cri, fait un bond prodigieux. Un aigle qui s'élance. Tu Dieu, ça va barder. Arrête, Ulysse. Redoute le courroux du Zeus à la grande voix. Mais l'honneur de ma race. La paix. Chacun chez soi. Et voilà, peut-être que pour arriver à la paix, il faut que chacun reste chez lui. Car en effet, une fois que Ulysse est censé avoir... gagner, eh bien, un des anciens prétendants va reprendre les armes et vouloir tuer Ulysse et Télémaque, qui donc va prendre les armes à côté de son père et aussi de Laërte. Donc en fait, le conflit recommence. La paix semble impossible à ce moment-là. Non, parce que celui qui veut reprendre les armes, c'est-à-dire le père d'Alcinoos, est contré par un autre qui dit il faut aller vers la paix. D'Antinoos, le père d'Antinoos, pas d'Alcinoos. Antinoos, c'est le Phéacien. Antinoos, pardon. En fait, Ulysse est obligé de renoncer à beaucoup de choses. Vous savez, il faut savoir sortir d'une vie héroïque. C'est Maurice Thorez qui dirait « faut savoir sortir d'une grève » en 36. « Faut savoir sortir d'une vie héroïque ». Il y a deux manières de sortir d'une vie héroïque. Il y a la manière héroïque, comme Achille, qui meurt au combat, Agamemnon qui est assassiné par l'amant de sa femme, Ajax qui devient fou et qui se tue, bon, etc. Et puis il y a celle d'Ulysse, qui est en fait de renoncer. Et ce renoncement se manifeste sur le plan, disons, individuel, personnel et collectif. Alors, du point de vue personnel, comme Vidal-Naquet l'a bien dit, il tourne le dos, il renonce à sa vie surhumaine antérieure. Évidemment, il reste le divin Ulysse, mais même Eumée est le divin Porcher. Donc, tout le monde est divin. Donc, quand tout le monde est divin, plus personne n'est divin. C'est la fin de l'épopée. Là, vous savez, la fin de l'épopée, c'est une sorte de maladie infantile de la littérature. Et comme disait Georg Lukács, quand l'épopée faiblit, eh bien, le roman dresse l'oreille. Déjà, le roman commence. L'Odyssée n'est certes pas un roman, mais pour moi, elle est sur le seuil du romanesque, par la densité de ses personnages qui deviennent complexes, libres, imprévisibles, alors que dans l'Iliade, c'est tous des gens extrêmement simples et prévisibles. Oui, elle est sur le seuil du romanesque. Et dans le dernier livre de l'Odyssée, Ulysse s'est vraiment dépouillé de tout ce qu'il était. Il n'est plus un héros, mais un bon grand-père qui va paisiblement mourir autour des siens. Il renonce même à la grande comparse de ses aventures merveilleuses, à savoir la mer, puisque c'est l'extraordinaire épisode de la rame prise pour une pelle à grain. Vous voulez qu'on écoute le texte ? Oui. Alors, ce qu'on va écouter, c'est une fin possible de l'Odyssée. Oui. Le moment où Ulysse raconte que on lui aurait raconté une de ses morts, qu'il allait mourir absolument paisiblement. Écoutez le texte, et puis vous poursuivrez ensuite votre interprétation. Exactement. Y compris de politique vers Pellegrin, vous oui, êtes. Oui, oui, bien sûr. Tirésias m'a ordonné d'aller de ville en ville par le monde, tenant entre mes mains ma bonne rame, jusqu'à ce que je trouve ceux qui ne connaissaient pas la mer et qui ne mêlent pas de sel aux aliments. Ils ne connaissent pas les navires fardés de rouge, ni les rames qui sont les ailes des navires. Ensuite, il me donna le clair indice que voici. Lorsque quelqu'un croisant ma route croira voir sur mon illustre épaule une pelle avanée, alors il m'ordonna, plantant ma bonne rame en terre, d'offrir un sacrifice au seigneur Poséidon, bélier, taureau, verra capable de couvrir les truies, puis de rentrer chez moi, d'offrir les saintes hécatombes aux immortels qui possèdent le ciel immense, dans l'ordre rituel. Et la mort viendra me chercher hors de la mer, une très douce mort, qui m'abattra affaiblie par l'âge opulent. Le peuple autour de moi sera heureux. Voici ce qu'il me prédit. Où l'on apprend que Tirésias prédit une mort très douce à Ulysse, une mort d'homme normal, en fait, normal, d'homme ordinaire, oui. Pierre Pellegrin. Oui. C'est merveilleux, ce texte. Mais ça implique que Ulysse renonce, renoncement suprême ou presque suprême, à Ithaque elle-même. Parce qu'on ne peut pas penser, il eût été difficile de trouver un Ithacien qui n'eût aucune idée de ce qu'était la rame. Et la mer. Alors, c'est quoi cette histoire de rame, de pelle, etc. Bien, ça veut dire que il va aller non pas dans une île, il va quitter Ithaque et il va aller dans un endroit suffisamment continental pour que les gens n'aient jamais entendu parler de la mer et de la navigation. Parce que le texte dit que Tirésias lui donne un indice très clair, oui, pour lui indiquer le moment de sa mort. Lorsque quelqu'un croisant ma route croira voir sur mon illustre épaule une pelle avanée, alors il m'ordonna, plantant ma bonne rame en terre, d'offrir un sacrifice au seigneur Poséidon. C'est-à-dire, celui qui le rencontre n'a pas idée de ce que c'est qu'une rame. Il dit, qu'est-ce que tu portes sur l'épaule? Ah ben, c'est une pelle avanée. Eh bien, bon, il est arrivé au bout du voyage, c'est-à-dire que sa grande comparse, la mer même, il l'abandonne. Le plus loin possible de la mer. Le plus loin possible de la mer. MER. MER, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. MER. Et cette fin-là, alors certains spécialistes considèrent ce passage comme étant la fin véritable de l'Odyssée. Oui, mais alors là, c'est châtrer l'Odyssée, lui enlever son caractère politique. Je suis pas d'accord du tout. Moi, je peux pas être d'accord. Non, non, non. On va en parler de ça, des fausses fins de l'Odyssée très rapidement. Vous voyez, l'Odyssée, du coup, est un récit d'apprentissage. Et voilà. Alors venons-en maintenant au point de vue collectif et proprement politique. Nous assistons, en fait, dans l'Odyssée, c'est pour ça que ça me plaît, enfin c'est une des raisons pour lesquelles ça me plaît, l'Odyssée, à la naissance du politique. C'est-à-dire le massacre des prétendants, qui sont les enfants des notables des différentes régions et des différentes îles qui composent le royaume d'Ithaque. Ce massacre met Ulysse et son fils, Télémaque, dans une situation périlleuse, dangereuse. D'où, comme on l'a vu, le fait qu'ils veulent tenir ça secret pendant un certain temps. Précaution d'autant plus nécessaire que la longue absence d'Ulysse a, comment on pourrait dire, a laissé le pouvoir royal se déliter, si vous voulez. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il ne peut pas le retrouver, comme on le disait au début, il ne peut pas le retrouver tel quel qu'il l'exerçait avant. Mais d'autant qu'il l'a à peine exercé, non ? Ben, il l'a à peine exercé. Vous savez qu'il y a une tradition qui n'est pas dans l'Iliade et l'Odyssée, où Ulysse ne voulait absolument pas aller à Troie, il se faisait passer pour fou. N'est-ce pas, pour pas partir au service militaire. Mais on l'a inventé, on le dit, oh, tu fais des histoires, tu es un malade imaginaire, un simulateur. Bon. Oui, il a à peine exercé, oui. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de l'Odyssée, Ithaque est divisé en groupes antagonistes, d'autant plus hostiles entre eux que c'est le torrent du sang des prétendants qui les sépare. Il y a le clan d'Ulysse et le clan des autres. Mais alors, donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte lu, Eupithée, le père d'Antinoos, le premier des prétendants, appelle à la vengeance, comme vous l'avez rappelé aussi. Mais il y a, le vieux héros, Alitercès, fils de Mastor, qui dit, « Jean d'Ithaque, écoutez ce que j'ai à vous dire. C'est vos torts, mes amis, qui vous ont valu tout cela. Vous n'avez pas voulu, malgré Mentor et moi, mettre un terme aux folies de vos enfants qui commettaient dans leur fureur mauvaise de grands crimes. » C'est à la fin, c'est chant 24, vers 450. Et le poète précise que un vers avant, il dit « C'est pour le bien de tous qu'il prononça ces mots. » Donc ce que les dieux, et Zeus en premier, promeuvent en imposant la paix, c'est une prise en compte, ça c'est fondamental, des positions et des intérêts des différents partis. Attendez, vous dites qu'en fait, le sort d'Ithaque est réglé par les dieux, pas oui. Par les hommes. Que reste-t-il de la politique et donc des affaires humaines si c'est les dieux qui décident ? Non, je vais revenir là-dessus. Si vous permettez, je reviens là-dessus, je vous promets. C'est-à-dire que en fait, c'est la force. Mais je vais y revenir, tout de suite, presque tout de suite. C'est-à-dire que le cycle des violences physiques est terminé. On est presque dans une cité de l'époque classique, n'est-ce pas ? L'agonistique quitte le champ de bataille et vient sur l'agora. Donc, si on sait bien lire les politiques d'Aristote, vous voyez qu'on revient à Aristote, on voit qu'il est le seul à avoir pensé la cité, à avoir pensé le politique, au moment où, d'ailleurs, ça, elle finissait. On voit que pour lui, pour Aristote, et pour Aristote seul, hein, la division du corps des citoyens en groupes, on pourrait même dire en classes, antagonistes, n'est pas pathologique. Ça, ce sont les platoniciens qui le pensent. N'est-ce pas ? Ce sont les platoniciens qui le pensent. C'est-à-dire, par exemple, Alcinoos, comme le disait Madame Saïd. Suzanne Saïd, notre amie. Hier, oui. Alcinoos et les Phéaciens, eux, ils vivent dans une harmonie parfaite. C'est pas une cité. Aristote a bien vu qu'une cité, c'est un endroit où des groupes antagonistes qui ont autant de raisons de demander le pouvoir luttent, que c'est pas une pathologie. Qu'il faut gérer cette contradiction, c'est l'état normal de la société politique. Et voyez, Aristote aurait pu s'autoriser de la fin de l'Odyssée pour soutenir cette thèse qu'il oppose fortement à Platon et à tous les autres. Mais voyez, cet établissement d'un pouvoir partagé et d'une société apaisée se fait contre Ulysse. Et là, je réponds à la question que vous m'avez posée tout de suite là, parce que lui, il a entrepris tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi ? Pour restaurer une royauté comme il l'avait laissée, en partant pour Troie. Et c'est là un dépouillement supplémentaire. C'est-à-dire, cet établissement d'un pouvoir partagé, il se fait contre Ulysse. Alors, pouvoir partagé entre qui et qui ? Ben, entre des clans rivaux. Entre les clans des différents... Les familles des différents prétendants qui demandent. Et alors, quand Zeus dit « la paix maintenant », eh bien, il leur ouvre les portes, oui, d'un pouvoir partagé avec la famille royale d'Ulysse. Et vous voyez, cet établissement, et là je réponds à votre question alors, cet établissement n'a pas lieu par un changement d'opinion d'Ulysse. Vous voyez, Ulysse ne s'est pas dit, tiens, la monarchie archaïque telle que mes parents, mon père et moi l'avons exercée, a fait son temps, il faut se résigner à avoir son pouvoir limité, à tenir compte des autres, etc. Non, Ulysse n'est pas un politique avisé. Mais ça se fait par la force, ce qui est symbolisé par la brusque décision divine, à la fin non moins brusque d'ailleurs, de l'Odyssée. En quelques vers, n'est-ce pas, Zeus remet le pendule à l'heure et dit « Maintenant, c'est la paix, il faut que vous vous entendiez entre vous. » Et donc, Ulysse n'est plus un roi absolu. Et Victor... En fait, c'est à travers la bouche d'Athéna, oui. Hein, fille de Zeus. Oui. Elle dit ceci « Jean d'Ithaque, cessez ce pénible combat au plus vite, sans plus de sang, séparez-vous. » Oui, voilà. Et donc, fonder une société agonistique à l'intérieur, mais apaisée. On ne se bat plus. Vous voyez, décidément, Ulysse... D'abord, Ulysse n'est pas un héros pour notre temps du tout. Moi, j'aime pas Ulysse. Il ne comprend pas le besoin de partager le pouvoir avec d'autres. D'ailleurs, il ne comprend rien. Vous n'aimez pas Ulysse ? Non, non, non, non. Vous avez attendu 50 minutes pour nous le dire. Oui, j'ai beaucoup de réticence par Ulysse, vous allez voir. C'est-à-dire, il reste l'aventurier pillard qu'il a toujours été. Souvenez-vous de la première aventure, les Cicones, n'est-ce pas ? Ils n'y ont rien fait. Racontez-nous les Cicones. Les Cicones, c'est le premier peuple, c'est-à-dire c'est un peuple réel. Ulysse part de Troie, il voit les Cicones, il dit ils sont plus faibles que nous, hop, on les attaque. Alors, on détruit leur ville, on tue les hommes, on enlève leurs femmes, veuves et orphelines, pour les revendre comme esclaves, après sans doute les avoir copieusement violées. Et à la fin, donc, c'est ça sa nature, c'est un pillard, quoi. Et à la fin, vous savez, quand il constate que vraiment les prétendants ont mangé beaucoup de viande et ont détruit ses troupeaux, il dit à sa femme, mais ne t'en fais pas, j'irai faire razzia. Il est indécrottable. Je veux dire, c'est un rasieur. Et vous voyez, c'est un héros civilisateur. C'est-à-dire qu'il représente l'homme arrogant et nuisible pour la nature et pour les autres, dont nous nous efforçons aujourd'hui de déconstruire l'image. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un... Où qu'il aille, il apporte la ruine, la désolation, hein, pour satisfaire ses envies, la curiosité, par exemple. Bon, mais on peut aussi avoir une lecture inverse, où Ulysse est la victime de ceux qu'il rencontre, de celles qu'il rencontre, mais non, on ne peut pas le laisser victime, repartir. Puisqu'il cherche... Et, écoutez, revenons sur les cyclopes. Tout le monde dit du mal des cyclopes. Moi, j'aime bien les cyclopes. Quand M. Bergougnou a dit que... Mon invité mardi dernier. Oui, que Polyphème avait accueilli Ulysse avec de mauvaises intentions, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est Ulysse qui viole son domicile pour le voler ses biens. Les cyclopes sont insupportables à des gens comme Ulysse. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent proches de l'état de nature, ils ne demandent rien à personne, ils ne travaillent pas la terre, ils n'ont pas d'état, ils ne rendent pas de culte aux dieux, ils ne sont pas des conquérants, ils ne vont pas embêter les autres, et ils sont anthropophages. D'ailleurs, ils ne le sont pas tant que ça, ils le sont quand ils ont Ulysse sous la dent, mais d'habitude, ils mangent du fromage. Donc, je veux dire, ça me fait penser au discours des colonisateurs qui ne pouvaient pas supporter que des peuples sauvages, n'est-ce pas, soient là sans rien faire. Ils disaient, mais si on les mettait au travail, comment on en tirerait beaucoup? Et donc, il faut leur créer des besoins, il faut les intégrer. Est-ce que Ulysse veut civiliser ou coloniser les gens qu'il croise, tout simplement s'en sortir? Non, il dit, mais quelle terre extraordinaire, comment on pourrait en tirer beaucoup s'ils travaillaient, ces fainéants, etc. Mais ils n'ont qu'à se baisser. Ce qui est vrai, c'est que c'est lui qui insiste pour aller voir l'île où habite Polyphème, ça qu'il veut sauver ses compagnons, parce qu'il les pense à y aller. Il y a un petit passage. Il y a une île chez les cyclopes, qui ont plusieurs îles, qui est entièrement laissée à l'état de nature, où notamment les animaux ne sont pas chassés. Si bien que les chèvres sauvages, elle est une île toute épineuse, dit le texte. Si bien que les chèvres sauvages qui l'habitent n'ont pas peur des humains, puisqu'on ne les chasse pas. Et que fait Ulysse avec ses copains? Eh bien, ils arrivent, ils les massacrent toutes, exactement comme les Européens ont massacré tous les bisons en Amérique, n'est-ce pas? Ils les massacrent bien au-delà de leurs besoins alimentaires, parce que c'est des gens comme ça, parce que vous voyez, aujourd'hui, on ne peut pas prendre un tel homme comme modèle, si intelligent fut-il. C'est pas possible. Ce sont les Ulysses qui ont laissé la Terre dans cet état. Moi, j'aime bien les cyclopes. Ce sont des gens qui ne demandent rien à personne. Mais pardonnez-moi, il y a quand même une différence entre les colonisateurs et Ulysse. C'est qu'Ulysse veut rentrer chez lui. Les colonisateurs veulent coloniser. Dans un cas, c'est un moyen. Dans l'autre, c'est une fin. Non, c'est un parallèle qui ne peut pas se poursuivre jusqu'au bout. Mais n'empêche que c'est un héros des Lumières, un héros qui veut soumettre la nature et qui... Un héros des Lumières. Oui, oui, 700 oui. ans avant Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Qui veut connaître. Monsieur Bergougnou l'a bien dit, ça. C'est un héros des Lumières et c'est un... Et avec tout le côté négatif du héros des Lumières, qui saccage, qui soumette et qui veulent nous droguer au travail. Et en même temps, c'est lui qui nous apprend à nous réconcilier avec notre finitude. C'est celui qui, après l'Iliade, va revenir à une vie mortelle et aspirer à une mort douce. Et... Quand je dis que j'aime pas Ulysse, c'est un paradoxe. J'exagère. Non, mais c'est intéressant d'ailleurs d'entendre une autre lecture, mais elle est toujours ambivalente. En fait, Ulysse est toujours ambivalent, on est toujours entre les deux. Mais c'est vrai, il faut réhabiliter les cyclopes en tout cas. Ce sont des gens qui... Et puis, voyez la dernière, quand Ulysse ne peut même pas se retenir de se moquer de ce pauvre Polyphème auquel il a crevé l'œil. D'ailleurs, je ne sais pas d'où on dit que les cyclopes n'ont qu'un œil. C'est pas vrai? Ben, je ne sais pas, ce n'est pas dans le texte en tout cas. C'est la tradition, mais bon. Bon, en tout cas, il lui crève. De même que les sirènes n'ont pas des queues de poisson dans, dans l'Odyssée, en tout cas. Et dans quelle mesure est-ce que la réflexion politique qui est à la fin de l'Odyssée est représentative d'une conception politique grecque de l'époque? Ah oui, bien sûr, de l'époque préclassique, c'est-à-dire la fin de l'archaïsme, c'est-à-dire que la cité est un lieu d'affrontement paisible et apaisé et non pas violent. Et c'est comme ça, en tenant compte progressivement dans une dialectique d'opposition des intérêts opposés, des classes opposées, c'est comme ça qu'on trace son chemin politique et que la cité... C'est dans l'idéal, parce que dans les faits, la Grèce est divisée par des guerres sanglantes en permanence. Oui, mais les guerres entre cités, mais à l'intérieur des cités, finalement, une cité qui marche bien fait la place aux différentes classes opposées qui la composent, en laissant une dominer, puis une autre, etc. Ça, c'est la leçon d'Aristote, n'est-ce pas ? La vraie cité, c'est une cité où il y a du trouble et du combat, mais qui ne franchit pas un certain degré. Parce que c'est pas la même époque, quand même, Aristote et Homère. Non. Mais la même conception se retrouve. Mais je crois qu'il y a déjà ça chez Homère. Et d'ailleurs, si Aristote cite le Cyclope dans le deuxième chapitre du premier livre des Politiques, c'est pas pour rien. Il sait que c'est le début de la société politique pour lui, où le cyclope évidemment est tout puissant, puis petit à petit on va tenir compte des intérêts divergents des classes opposées. Voilà, c'est ça la politique. Et ça commence là, ça commence malgré Ulysse, parce que lui c'est un pillard et il n'est pas assez malin politiquement pour le... Ça commence avec la réconciliation forcée d'Ulysse avec les familles, les prétendants. La morale, s'il faut faire une morale de l'histoire, c'est quand même qu'ils ont besoin de l'intervention divine pour y parvenir. Ça veut dire que, comme si ça rendait fétiche, comme si l'homme ne parvenait jamais à ce que vous décrivez, à cette entente. Moi, je crois que c'est... Alors là, du coup, c'est une métaphore, là, l'intervention divine. Ça veut dire qu'il y est forcé. Il voit que le rapport des forces n'est pas favorable, il est obligé. S'il prétend rétablir la monarchie absolue à son profit, il va se faire massacrer. Ils sont deux ou trois avec eux, mais... Donc je pense que l'intervention très rapide de Zeus, hein, et il faut garder ces derniers vers, Victor Bérard et d'autres ont dit non, mais non, il faut les garder. Victor Bérard qui était un traducteur. Oui, le traducteur qu'on a cité. Il faut les garder parce que, je pense que oui, c'est une métaphore, c'est-à-dire il est obligé de faire une place aux autres, lui qui avait beaucoup de mal à faire ça, hein, et instaurer une, non pas une cité, c'est un peu tôt, mais une société paléopolitique où on tient compte où ce n'est plus l'arbitraire du désir du roi qui gouverne tout. Voilà, c'est ça ma lecture politique de l'Odyssée. Peut-être que j'ai tort, peut-être que... En tout cas, le texte semble dire qu'ils ne sont pas prêts à une autre forme de politique. Lui n'est pas prêt, en tout cas. Ouais. Mais il l'accepte, il est obligé de l'accepter. Et cette obligation, on la maquille en une intervention de Zeus très rapide, hein, en quelques vers. Il dit maintenant, bon. Ainsi dit Athéna, il obéit, son cœur se réjouit. Et Pallas Athéna, fille du porte Égide qui avait emprunté l'allure et la voix de Mentor, institua entre les deux parties un durable traité. Voilà. Fin de l'Odyssée. Fin de l'Odyssée et début du politique, entre les deux parties. Voilà. Du politique d'Aristote ? Non, du politique grec, oui, qui a été théorisé 8 siècles après, 7 ou 8 siècles après par Aristote. Mais qui a existé, disons, un siècle après, qui a commencé à exister un siècle après l'Odyssée. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Merci beaucoup Pierre Pellegrin d'être venu nous parler de l'Odyssée aujourd'hui et nous livrer vos interprétations politiques de ce texte. On peut lire la présentation que vous avez faite de l'Odyssée aux éditions Flammarion, c'était en 2017. On se quitte avec un retour à la maison, celui de Simon & Garfunkel. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Escaping home. endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was home. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez de la rentrée des essais. 257, c'est le nombre d'essais qui paraissent en cette rentrée. Si la littérature compte 524 parutions, ce qui en fait une petite rentrée, les essais, eux, s'élèvent au nombre de 257. Donc, alors bien sûr, il faut faire le tri entre les disciplines, tout n'est pas de la philo, entre les classiques et les inédits, entre ceux qui font écho à l'actualité et ceux qui se veulent plus universels, et entre les grands sujets qui s'en dégagent. Dans un article paru mi-juillet, le magazine Livre Hebdo relevait ainsi les grandes tendances thématiques de tous ces essais, l'écologie, l'intelligence artificielle, l'éducation, la religion et les gilets jaunes. Comment les philosophes s'inscrivent-ils dans ces tendances ou pas? Vers quel concept, quel domaine, quel horizon nous mènent les essais philosophiques? Je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongère. L'indignation ou rien. Certes, on trouve l'écologie, l'intelligence artificielle, avec notamment les technofictions de Pierre Kasounoguès et le voyage de Gaspard Koenig au pays de l'intelligence artificielle, l'éducation, mais curieusement, ce ne sont pas vraiment ces grands thèmes qui dominent la rentrée philosophique. Non, ce qui domine plutôt, c'est un ton très critique, acerbe, parfois même ironique, un ton qui dénonce, un ton indigné. L'indignation ou rien, qu'on s'en serve ou qu'on la prenne en grippe. C'est le cas, par exemple, de Laurent de Sutter avec Indignation totale, ce que notre addiction au scandale dit de nous, ou de Jérôme Lèbre avec Scandale et démocratie, qui tous deux pointent cette manie de l'indignation désormais bien banale. Alors que reste-t-il de l'indignation aujourd'hui, Géraldine ? Eh bien, elle semble rester le point de départ pour pas mal d'essais politisés. Aux frontières de la démocratie, de Calais à Londres, sur les traces des migrants, de Sophie Gigot, Démocratie hic et nunc de Jean-François Boutor et Jean-Luc Nancy, ou encore L'émancipation promise de Pierre-André Taguieff. Tous ces ouvrages déplorent les excès de la démocratie moderne, aveuglée par ses propres principes ou affaiblie par ses promesses non tenues. La promesse, c'est d'ailleurs le titre du livre de Vincent Peillon dans lequel l'ex-ministre revient à ses premières amours philosophiques et célèbre le geste de confiance pour refonder notre époque. L'époque n'est pas qu'à l'indignation, elle est aussi au divertissement. Et les philosophes l'ont bien saisi. La spécialiste de Stanley Cavell, du langage ordinaire et du cinéma, Sandra Laugier, voit ses chroniques mensuelles parues dans Libération, augmentées d'analyses, rassemblées dans le livre « Nos vies en série ». Série donc, mais aussi jeux vidéo et show télé, le philosophe Byung-Chul Han voit lui aussi dans ses divertissements des lieux de production d'une nouvelle philosophie basée sur l'expérience, la passion et les formes de vie. Et c'est ainsi qu'on relève, à côté du ton politisé et indigné, un ton plus enlevé et optimiste. Myriam Corrichi et Jean-Pierre Martin s'amusent ainsi à réhabiliter respectivement le mensonge et la curiosité. Pascal Chabot part de notre travers à parler sans cesse de qualité, qualité de l'air, de l'alimentation, etc., pour en appeler lui aux libres qualités centrées sur la saveur de vivre, ou encore Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère qui s'attaquent non sans malice à tous les détracteurs des droits de l'homme en demandant si cela nous rend idiots. Je suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler. Sur ses lèvres, moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche? Depuis quelques jours, je suis dérangée dans mes travaux par une mouche. C'est une assez grosse mouche, toute velue et toute noire, qui ne cesse de bourdonner autour de moi. Bonheur de découvrir en cette rentrée un tout autre ton, celui de Clément Rosset, disparu en mars 2018, qui a voulu laisser ses écrits intimes, dont ce texte sur cette mouche, à titre posthume. Et enfin, clin d'œil au livre Parking Peggy de Charles Cousty, dans lequel l'auteur spécialiste de Peggy, accompagné du photographe Léo Lepage, s'est amusé à cartographier la présence de son écrivain fétiche, Peggy donc, en France. Parking, rue ou place. Une autre manière de voir comment les philosophes n'habitent pas seulement une époque, mais aussi nos espaces de vie. Et si vous deviez n'en retenir qu'un, Géraldine, ce serait lequel? Le dernier, Parking Peggy. Mais moi, ce serait Clément Rosset. Bon, mais on partage. Oui, on peut lire les deux surtout. Tous. Merci. Tous. Et donc celui-ci, chez Flammarion, Parking Peggy. Très bien. Et Clément Rosset, c'est aux éditions Nuit, j'imagine, comme d'habitude. Est-ce que vous allez mettre en ligne tous les livres dont vous avez parlé? Tous les livres. Et alors, je précise que ce n'est pas une liste exhaustive et que je vais aborder d'autres livres qui sont parus en cette rentrée et qui promettent plein d'autres choses et qui explorent d'autres domaines que ceux que j'ai cités. Mais voici pour les grandes tendances. Et oui, l'année est longue et on vous retrouve tous les jours. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier à la préparation de l'émission avec Pierre Pellegrin, Manon de la Salle, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Pierre Faucillon qui est à la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes homériens, homériques. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous amène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. On l'a fait tout l'an dernier, lors de la saison dernière. Et bien, ça recommence en cette rentrée. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Emanuele Coccia. D'ici là, pour réécouter cette série sur l'Odyssée d'Homère, c'est très simple. Vous pouvez l'écouter en ligne sur le site de France Culture ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend avec impatience. À demain, 10h, avec autant d'impatience d'ailleurs. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.